accueille en studio Raymond Fortier qui nous fait sa chronique sur les technologies de l'information. Salut. Bonjour. Ça va bien? Mais ça va très bien, ça va très bien. Donc, on parle cette semaine, Québec a été classé... Québec se retrouve, en fait, au palmarès des villes intelligentes à l'international. Effectivement, fait, c'est une très belle nouvelle qui est arrivée en cours des dernières semaines sur nos bureaux, dans nos journaux également, et ça mérite d'être signalé. Il faut dire, en fait, que c'est un dossier qui avait été piloté pour la grande région de Québec par un organisme qui s'appelle Québec International, avec laquelle l'organisme pour lequel je travaille, l'Institut de technologie de l'information et société, ben, on a collaboré justement pour explorer avec eux un peu des éléments universitaires, mais eux aussi exploraient de manière générale là, tout ce qui était fait en matière de ville intelligente pour la grande région de Québec. Et donc, on s'est retrouvé dans le top 7 mondial, ce qui est quand même pas rien. Si on y va avec le processus de manière générale, là, il y avait 400 candidatures qui ont été déposées initialement. De ces 400-là, il y en a 21 qui ont été retenues. Et ensuite, ben, chacune des 21 villes devait préparer un dossier de candidature un peu plus précis. Et ce dossier-là a mené à Québec, donc, de se retrouver au top 7 lui-même. Et là, il y aura progressivement donc d'autres réflexions, d'autres analyses qui seront faites et on en arrivera avec un top 1 un peu plus tard cette année. Donc, on se retrouve là aux côtés de villes comme Austin au Texas, Oulu en Finlande, Riverside en Californie, Chichung City à Taïwan, Saint-Jean au Nouveau-Brunswick et Stratford en Ontario. Et de manière générale, en fait, Québec est reconnu dans ce contexte-là, notamment pour des initiatives comme Zap Québec, donc ce réseau d'Internet sans fil qui est disponible de manière extrêmement large dans presque l'ensemble de la ville, de plus en plus. Des applications comme RTC Nomade qui a été lancée il y a quelques temps. Des événements comme le Hackathon qui a été organisé cet automne autour de l'ouverture de données à la ville de Québec. Donc, c'est cette idée qu'a eu la ville avec l'initiative également d'entrepreneurs, de gens d'affaires de Québec, d'ouvrir, de rendre disponibles des données non sensibles pour permettre à ces gens-là de développer des applications pour téléphone mobile, par exemple. Donc, ça, c'est le genre d'initiatives qui sont soulignées. Ici, à l'université, bon, on peut penser à des initiatives comme le supercalculateur, par exemple, de l'Université Laval, qui est dans l'ancien accélérateur de particule Van der Graaff, qui, lui, est considéré comme un outil pour la communauté de chercheurs, mais aussi permettant donc à ces gens-là d'avoir accès à des moyens technologiques de pointe. Donc, c'est quelques initiatives qui, parmi plusieurs autres, là, qui ont permis justement à Québec de se démarquer dans le cadre de cette candidature-là. Peut-être un petit rappel sur ce qu'est une ville intelligente. C'est tout simplement pour cibler un peu. Faut dire que de manière générale, il n'y a pas encore de définition ferme, claire et précise. Il y a des chercheurs d'ailleurs à l'Université Laval qui tentent d'arriver avec une définition, disons, un peu plus analytique. Plusieurs organismes ont chacun leur perspective. Ce que j'en ai retenu, je vous en propose une ce matin. Donc, c'est l'idée que la ville intelligente, c'est un ensemble de solutions technologiques qui visent à l'optimisation des aires urbaines à travers le traitement, l'analyse de données. Donc, l'enjeu est essentiellement, c'est de répondre aux difficultés qu'ont les infrastructures des grandes villes occidentales pour faire face à la croissance continue de leur population et de leurs activités. Donc, de manière générale, on parle d'infrastructures en réseau, de standards ouverts, comme on a dit tout à l'heure. On parle également d'une intelligence communautaire qui améliore la planification et le développement urbain régional, des initiatives aussi liées à la durabilité environnementale, parce que qui dit ville intelligente dit généralement aussi ville durable. Puis savez-vous si Québec développe encore des technologies comme ça qui pourraient peut-être la placer un petit peu au-dessus du palmarès? Oui, il y a toujours des réflexions constantes. Il y a des nouveaux dossiers qui sont en développement. Vous avez peut-être vu passer, notamment il y a quelques temps, l'arrivée d'une entreprise qui s'appelle Almeris, qui a démarré un bureau nord-américain ici à Québec qui s'appelle Ascentry, qui, eux, en collaboration avec la ville, travaillent sur des dossiers de dématérialisation. Il y a d'autres initiatives autour des données ouvertes qui sont développées. Il y a de la recherche à l'université qui se fait également autour de ce concept-là. Donc, vraiment, on est au début d'une mouvance. Et cette candidature-là, du moins, de la façon qu'on la reçoit, c'est d'avaliser que ce qui a été fait jusqu'à maintenant est reconnu ça vient avaliser aussi les initiatives qui viendront par la suite autour de la ville intelligente et qui continuent de se faire parce que, à mon sens, ce n'est que le début et il faut dire aussi parallèlement que de plus en plus, ça c'est une mouvance internationale, donc d'améliorer l'intelligence des villes et donc nécessairement, la ville de Québec est bien positionnée mais devra aussi continuer de travailler en sens avec l'appui évidemment de la recherche qui se fait ici à l'Université Laval pour continuer de développer ses réseaux et de rendre toujours la ville plus intelligente. Puis j'imagine que faire partie d'un palmarès comme ça, ça doit aider un peu à... ça doit rendre visible la ville et ça doit attirer peut-être des compagnies qui spécialisent justement dans des technologies comme ça? Ben, on peut imaginer, en fait, que c'est l'un des éléments qui ont animé l'équipe de Québec International, notamment lorsqu'ils ont été mandatés pour développer cette candidature-là, parce qu'effectivement, là, on est dans la liste des sept. Il y a eu seulement deux autres villes canadiennes qui se sont retrouvées au top 1, donc ils ont réussi à se rendre jusqu'au bout du processus. C'était Calgary en 2002, Waterloo en 2007, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'est une belle opportunité de visibilité. Évidemment, si la ville réussit à emporter la première place, il va avoir des présences dans des forums internationaux également. Il va avoir beaucoup de visibilité à l'international, mais déjà, il y a des gens donc du Intelligent Community Forum qui vont venir ici un peu plus tard cette année justement pour voir un peu ce qui est fait à Québec. Donc, oui, c'est une belle opportunité de visibilité et nécessairement, en fait, aussi ce qui est intéressant, c'est qu'eux suivent ce qui se fait, certes, à Québec, mais également à l'université. Donc, ça montre aussi la belle synergie qu'il y a entre le milieu gouvernemental, le milieu de l'entreprise, l'administration municipale, le milieu de la recherche universitaire. Donc, il y a une belle synergie aussi entre ces différents groupes-là. Et c'est ce qui permet également à Québec de se démarquer. Alors, ça aussi, c'est un bon signal, je trouve, pour la région. Très positif pour la région, en effet. Tu nous as sorti quelques études qui placent certaines tendances. Un petit regard sur 2012. Oui, en fait, toujours intéressant de se préparer, surtout que dans les premiers mois comme ça, on est toujours en train de se demander qu'est-ce qui s'en vient dans l'année, qu'est-ce qui se place. Et je suis tombé sur une étude qui est sortie tout récemment, le Accenture Technology Vision 2012. Et ça donne six grands axes autour desquels la gestion technologique risque bien de se placer, de se positionner cette année. Donc, j'y vais en rafale, en fait, j'en lance quelques-unes. Notamment, on parle des services qui vont être fondés sur le contexte, qui vont constituer une tendance technologique émergente. Donc, qu'est-ce que c'est des données fondées sur le contexte? Eh bien, c'est cette idée que, pour bien répondre à nos besoins, exemple, en tant que consommateur, il va falloir que l'entreprise nous connaisse, donc sache qui nous sommes, sache où nous sommes, sache ce que l'on fait. Et donc, de plus en plus, il y a des applications qui émergent pour permettre, donc, oui, la localisation géographique, mais également de pouvoir cibler à partir, exemple, de médias sociaux, de nos interventions sur Twitter et autres, de pouvoir cibler un peu qui on est et qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin pour pouvoir répondre à précisément ces besoins-là. Il y a même des applications qui existent déjà, d'ailleurs, en ce sens où vous mettez sur Twitter que vous avez envie de manger des sushis à New York et l'application, techniquement, est en mesure d'aller scanner les réseaux sociaux pour voir, justement, votre intervention, d'aller faire le lien avec un restaurant de sushis qui est pas très loin d'où vous trouvez pour lui permettre de vous dire, on est au coin de la rue, viens faire un tour. Donc, c'est pratique. C'est assez pratique. C'est sûr qu'il y a d'autres types de réflexions à avoir autour de ces éléments-là, au point de vue éthique, par exemple. Il y a des chercheurs, d'ailleurs, qui s'intéressent avec raison. Exactement, parce que, excuse-moi, c'est parce que dès qu'on écrit quelque chose sur Twitter, sur les réseaux sociaux, eux peuvent le voir, puis les restaurants de sushi peuvent faire la publicité. C'est assez incroyable. Tout est scanné et analysé. Et ce qu'il faut dire, en fait, c'est que Twitter, de manière générale, c'est public. C'est peut-être la différence avec Facebook, où on a droit à des degrés de vie privée. Sur Twitter, tout ce qui est écrit, c'est ouvert à la planète, c'est ouvert à tous. Donc, ça amène aussi, disons, une utilisation qui peut être peut-être différente de par, justement, certaines applications versus des réseaux sociaux comme Facebook, malgré qu'encore là, bon, il y a beaucoup de possibilités qui sont ouvertes à travers ça. Et même, on peut se dire, quand on parle de médias sociaux, que les TI risquent de devoir de plus en plus les intégrer. C'est pas seulement une pièce rapportée au canal de marketing pour les organisations. Ça devient, en fait, les puissants catalyseurs, donc qui transforment la manière dont les clients, les employés, les partenaires utilisent la technologie pour interagir avec le monde qui les entoure et parallèlement aussi pour donner des rétroactions. Donc, ce qu'eux disent, c'est que quel que soit notre domaine d'intervention, il faut s'intéresser à ce qui se passe sur les médias sociaux et à la rétroaction que les clients donnent et ça va devenir, dans le fond, une des pierres d'assise d'un certain service après-vente et d'une assurance aussi de satisfaction après-vente. Et si on passe pas par ces médiums-là, on risque aussi de manquer quelque chose là, à ce niveau. Très intéressant. Sinon, peut-être rapidement quelques autres, là, simplement pour donner la portée de l'ensemble de l'étude. On parle d'architecture de données convergentes. Donc ça, c'est cette idée que les données vont devoir changer, faire le lien avec l'ensemble des bases de données anciennes et nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de données qui sont générées en entreprise notamment, mais on n'a pas encore accès à l'ensemble de ces données-là. Donc, il faut trouver des manières pour lier tout ça. On parle également que les services de gestion de données, comme il y aura beaucoup plus d'informations qui seront gérées par l'entreprise, mais ça devra être pratiquement industriel. spécialisés, là. Donc, assouplir un peu cette gestion-là, parallèlement rendre plus agir les plateformes qui vont gérer ces données-là pour faciliter les transferts de format, pour faciliter également les ajustements d'un format de gestion de données à un autre, etc. Et enfin, peut-être dernier élément, on parle aussi de sécurité de l'information, puisque si on intègre des médias sociaux, si on ouvre des plateformes, si on développe les données, ben faut aussi pouvoir les sécuriser. Mais de plus en plus aussi, donc les gens qui créent des logiciels malicieux sont de plus en plus alertes au niveau des différents types d'accès, au niveau des nouvelles plateformes. Et donc, exemple, sur le téléphone mobile, il y aura de plus en plus de menaces qui vont être à surveiller de ce côté-là à court terme. Mais à long terme, pour tout ce qui est ordinateur, ordinateur de bord dans des autos et le reste, ben, si éventuellement on en vient à réseauter tout ça, il y aura aussi des menaces malicieuses là qui vont pouvoir s'y retrouver. Parfait, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Donc, Raymond Poirier, je vous ai débaptisé tout à l'heure en vous appelant Forti. C'est Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société ici à l'Université Laval. Merci beaucoup. On va se parler les jeudis dorénavant, n'est-ce pas? Exactement. Donc, on se dit à jeudi prochain. À jeudi prochain. Nous, on s'en va en musique avec Mauve, avec la pièce « Pour mieux valser ».